إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un dars sur un livre qui est écrit par le Cheikh Saleh Al-Fawzan qui s'appelle Durus min al-Qur'an. Et j'avais déjà commencé ce cours il y a bien longtemps, peut-être ça fait très longtemps quand même. Et puis j'avais fait seulement une petite partie du livre, et elle est enregistrée déjà, elle est déjà sur le site là où je mets les durus de mes cours. Si vous n'avez pas l'adresse, inshallah, je vais vous la donner par la suite, inshallah. Puis, donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais continuer à partir de l'endroit où j'étais arrivé la dernière fois, c'est-à-dire Anwa' al-Tawhid, d'accord? La première partie de ça, c'est dans le site où j'ai mis les durus, et le titre c'est dans les sujets divers, et le titre c'est l'importance du Tawhid. Donc aujourd'hui, on va continuer, et puis on va faire Anwa' al-Tawhid, puis on va expliquer beaucoup d'autres sujets qui vont venir par la suite, inshallah. Donc, le Cheikh, il dit, Anwa' al-Tawhid. التوحيد أنواع ثلاثة مستقرأة من كتاب الله عز وجل وليس تقسيم التوحيد إلى ثلاثة جاء من قبيل الرأي ولا من قبيل الاصطلاح وإنما هو مستقرأ من كتاب الله. Donc le Cheikh il dit que le tawhid est divisé en trois catégories. Et la façon dont les ulama ont établi qu'il y a trois tawhid, ou trois catégories de tawhid, c'est en lisant le Coran, en faisant une lecture, en analysant le Coran, qu'on a déduit qu'il y a trois formes de tawhid, trois catégories de tawhid. Et le Cheikh, il dit que cette division-là du tawhid, c'est pas une chose qui a été basée sur des opinions des ulama. Mais c'est quelque chose qui a été établi par en lisant le Coran lui-même, on déduit que c'est ces trois catégories de tawhid qui existent dans le Coran. Et le Cheikh il dit que c'est pas non plus une convention, c'est pas une istilah, c'est pas une terminologie conventionnelle qui a été établie par les ulama, mais c'est plutôt comme le Cheikh dit, c'est quelque chose qui a été déduit par une lecture du Coran. Donc le Cheikh il dit النوع الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور فيعتقد المرء أن الله وحده الخالق الرازق المدبر الحي الذي لا يموت. Donc la première catégorie de tawhid, le Cheikh il dit que la première catégorie de tawhid, c'est tawhid ar-rububiyya. Et c'est-à-dire de rendre notre adoration, de rendre toutes les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, pardon. An-naw' al-awwal, la première catégorie, c'est Tawhid al-Rububiyya. On peut le traduire comme, en français, comme étant l'unicité dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de, yani, de rendre tous les, de remettre à Allah toutes ses actions, toutes les actions qu'il fait. Comme par exemple, le fait qu'il est le créateur, qu'il est le, celui qui donne la subsistance. De dire que c'est seulement lui et uniquement lui qui fait ces choses. D'accord? Le fait de dire que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, qui est celui qui donne la subsistance, qui est celui qui donne la vie et la mort. Celui qui contrôle toutes les choses de l'univers, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a personne avec Allah subhanahu wa ta'ala qui a le contrôle de quoi que ce soit, hein, sur ces choses-là. Donc, c'est obligatoire pour un musulman de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui est le créateur, hein, al-Khaliq, al-Raziq, celui qui donne le risque, al-Mudabbir, celui qui contrôle les choses, al-Hayy, le vivant, celui qui ne meurt pas. Hein, contrairement à certains parmi les gens de Bid'a, comme al-Soufiyya, certains parmi les extrémistes des Soufiyya, qu'il attribue à autre que Allah subhanahu wa ta'ala le fait de pouvoir contrôler quelque chose dans l'univers. Donc, ils ont une catégorie de personnes parmi leurs chouyours à qui ils attribuent la sainteté et croient que ce sont des awliya, ou qu'ils attribuent le fait qu'ils sont des awliya, et ils croient que ces gens-là sont des gens qui ont un contrôle quelconque sur l'univers. D'accord? Ils les appellent Rijalul Ghaib. Et le plus haut parmi ces hommes de l'invisible, comme ils les appellent, ils l'appellent Al-Ghawth ou Al-Qutb. Et ils croient que c'est lui qui contrôle l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est lui qui a la responsabilité de s'occuper de la dirigeance du monde. D'accord? Et ça, c'est une forme de shirk dans Al-Rububiyya. D'accord? Il y a également... parmi les gens de Bid'a également, Al-Shi'a al-Rafida, hein, les Rafida, et eux, ils croient que ce sont leurs 12 imams, hein, les descendants d'Ali, radiallahu anhu, ils croient que ce sont eux qui ont un contrôle de l'univers. Comme Al-Khomeini a dit dans son livre, Hukumat al-Islamiyya, il a dit que les imams, ils ont le contrôle de tous les atomes de l'univers. Donc ça, c'est une forme de shirk dans Ar-Rububiyya également, car c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le contrôle de tout ce qui se passe dans le monde et il ne partage ça avec personne. An-Naw' al-Thani, la deuxième catégorie de Tawhid, yani on aurait pu aussi rajouter à ça aussi l'exemple du shirk chez les chrétiens et beaucoup d'autres gens de kufr et de shirk également. Comme par exemple les Majus qui divisent le monde en deux et qui croient qu'il y a un Dieu pour le bien et un Dieu pour le mal, hein, et qui croient qu'il y a un Dieu qui a créé l'obscurité et les ténèbres et le mal et qu'il y a un autre Dieu qui a créé la lumière et le bien. Hein, donc ça aussi c'est une forme de shirk dans Rububiyya pour dire qu'il y a deux créateurs. Maintenant, comme je disais, la deuxième catégorie, Tawhid al-Uluhiyya. وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه سبحانه كالدعاء والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والتوكل والاستقامة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة فيجب أن تكون العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه لا يصرف منها شيء لغير الله هذا هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية فهو التوحيد العملي وتوحيد الطلب والقصد وتوحيد الطاعة. Donc le Cheikh Al-Fawzani dit maintenant qu'il y a une deuxième catégorie de tawhid, et cette catégorie-là, c'est tawhid al-uluhiyya. Et tawhid al-uluhiyya, ça veut dire de rendre toutes les formes d'adoration qu'on peut faire dans nos actions à Allah subhanahu wa ta'ala, et de les limiter à lui, et de n'adorer personne d'autre en dehors de lui. Et le cheikh, il dit que dans toutes les actions par lesquelles on se rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit n'en donner à personne, yani on doit donner de aucune de ces adorations là à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh, il énumère une série de formes d'adoration qui sont parmi les formes d'adoration les plus importantes, et il clarifie que ça, comme en donnant un exemple avec ça, que toutes ces formes d'adoration là doivent être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les exemples de ibada ou d'adoration que le cheikh donne, il dit que par exemple ad-du'a, hein, et ad-du'a c'est une des formes les plus importantes de ibada, et c'est-à-dire l'invocation en français, hein. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire le du'a, voilà l'adoration, c'est ça l'adoration. Donc c'est important de comprendre ça, parce qu'il y a parmi les gens de bid'a, parmi les soufis et les ahbash et beaucoup d'autres, qui croient que d'adorer autre que Allah, c'est-à-dire de faire des du'a pour les awliya, ou de faire al-istirata, de chercher le secours et d'invoquer le secours en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et de chercher le refuge en d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils disent que ça fait pas partie du shirk, comme on va voir tout à l'heure. Et donc c'est important de clarifier que le du'a c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre en dehors que lui. De même que al-khawf, la crainte, hein, elle doit être uniquement pour Allah. Et quand on parle de crainte, c'est al-khawf sirri, hein, la crainte qui est cachée, dans le sens que tu as peur d'un autre être humain qui est mort, ou tu as peur d'une statue ou d'une idole, et tu crois qu'elle a un pouvoir quelconque contre toi, ou qu'elle peut te faire du mal, ou des choses de ce genre-là. C'est-à-dire, c'est pas une crainte ou une peur qui est naturelle, comme quelqu'un qui a peur d'un lion, ou qui a peur de quelqu'un qui essaie de l'attaquer, ou des choses de ce genre. Ça, c'est une crainte naturelle. Mais la crainte dont on parle ici, c'est une crainte qui dépasse le domaine du naturel, comme si tu attribues à quelque chose ou à quelqu'un une force ou la capacité de faire du mal, alors qu'elle est incapable d'en faire réellement. D'accord? Donc ça c'est al-khawf ar-raja, de mettre sa confiance en Allah. Ar-raja c'est plutôt de mettre son espoir, hein, c'est l'espoir. Donc de mettre son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rahba. Et ar-rahba c'est yani de craindre Allah subhanahu wa ta'ala également, comme on a dit, ça ressemble à al-khawf, excepté que quand on dit ar-rahba, ça implique également le fait de s'enfuir de ceux qui amènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a une signification un petit peu plus subtile que la signification de al-khawf. Ar-rahba. At-tawakkul, c'est de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istiqama. Al-istiqama, c'est de se mettre sur le droit chemin. Al-istirata, c'est de chercher le secours, comme on a dit tout à l'heure. Et al-dhabh, c'est de sacrifier, donner en sacrifice un animal, hein. Et al-nadr, c'est de faire des vœux pieux, ou des choses, des vœux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un fait un vœu pour un wali, ou pour un djinn, ou pour quelque chose de ce genre, ou pour une tombe, alors là ça rentre dans le shirk. Et il y a plein de détails là-dessus, mais on veut pas s'attarder à détailler chacune d'entre elles, parce que sinon bien entendu ça va prendre beaucoup de temps. Mais dans d'autres durus, inshallah, on aura l'occasion d'entrer en détail. Et en ce moment, les lundis ici à Montréal, je donne les durus de al-usul al-thalatha. Et lorsqu'on arrivera à la section où le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab énumère les formes d'adoration, alors inshallah à ce moment-là on aura l'occasion d'expliquer en détail chacune de ces formes d'adoration là. Et là ça sera plus clair inshallah. Après le cheikh il dit, et il y a beaucoup d'autres formes d'adoration autres que celles qui sont mentionnées ici. D'accord, mais le cheikh il a juste voulu donner une petite idée. Et il dit fayajibu أن تكون العبادة بجميع أنواعها لله. Il faut que toutes ces formes d'adoration là soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit d'en donner à quiconque autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une forme de tawhid, c'est une catégorie de tawhid qui est la plus importante parce que c'est à elle que tous les messagers ont appelé les êtres humains. Hein? Tout le conflit qui s'est produit entre les hommes qui ont refusé de croire et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les conflits se sont produits autour de cette question, c'est-à-dire tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration. Hein? Et les gens de Quraysh, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, ils croyaient qu'il y avait un créateur et un Dieu qui donnait la subsistance et qui était le créateur, et ils disaient que c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Donc ça veut dire qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul problème qu'ils avaient par contre, c'est qu'ils croyaient en Allah, mais ils ne s'arrêtaient pas d'adorer autre que lui en même temps. Et ils lui donnaient des associés dans l'adoration en croyant que ce sont des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la source de leur shirk. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إنهم إذا قيل لهم إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Donc يعني سبحان الله lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils se remplissaient d'orgueil et de fierté, et ils disaient يعني est-ce qu'on va laisser nos idoles pour un poète fou. Donc c'est comme si le fait d'entendre la ilaha illallah, il se remplissait d'orgueil parce qu'il connaissait la signification de ça, il savait l'implication de ça. Il savait que ça impliquait qu'il devait abandonner l'adoration de toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont rejeté le tawhid, ils ont rejeté le shahada, ils ont refusé de dire la ilaha illallah pour pas tomber dans une contradiction. Hein, ils savaient que de dire la ilaha illallah et d'invoquer autre que Allah en même temps, c'était une contradiction. Donc, ils ont refusé de tomber dans cette contradiction. Tandis que les gens de shirk aujourd'hui, qui disent la ilaha illallah mais qui adorent les morts et les saints et des choses de ce genre, eh bien ces gens-là, ils n'ont pas eu honte de tomber dans la contradiction. Ils disent la ilaha illallah jour et nuit, et ils continuent d'invoquer des êtres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Les mushrikines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Est-ce qu'il a fait de toutes toutes nos divinités une divinité unique? Hein? Ça, c'est une chose étonnante. Donc, les gens étaient étonnés d'entendre ça, et puis ils comprenaient qu'est-ce que ça impliquait. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont décidé de le rejeter. Et ceux qui ont voulu l'accepter et qui ont accepté d'y croire, eh bien, ceux-là, ils savaient exactement pourquoi ils l'acceptaient. C'est parce qu'ils rejetaient les idoles. Donc, ça, c'est très important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement mal compris ce fondement-là, qui est la base de l'islam. Et le cheikh il dit النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات. Donc la troisième catégorie de tawhid, c'est le tawhid الأسماء والصفات, le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que c'est la foi en ou c'est de croire en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même et tout ce qu'il a et tout ce que son messager lui a affirmé parmi les noms et les attributs qui sont présents dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit donc هذه أنواع التوحيد مستقرأة من كتاب الله عز وجل فكل آية في القرآن تتحدث عن أفعال الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور فهذا في توحيد الربوبية وهذا كثير في القرآن قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسرحون. Donc, le cheikh il dit que ces trois catégories de tawhid là, on les a compris en lisant le Coran. Donc, tous les versets que tu lis dans le Coran, à chaque fois que tu lis le Coran et que tu trouves un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses actions, hein, du fait qu'il est le créateur, qu'il donne le risque, qu'il fait vivre et qu'il fait mourir et qu'il contrôle les choses dans le monde, alors, ça concerne Tawhid al-Rububiyya, ou le Tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est le seul Rabb, c'est le seul souverain dans ce monde, c'est lui qui a le contrôle suprême de tout ce qui arrive. Hein? Et il y a beaucoup de choses comme ça dans le Coran, il y a beaucoup de versets dans le Coran qui traitent de Tawhid al-Rububiyya. Il y a par exemple un verset que le cheikh mentionne et qui dit, « Qul, dis au Muhammad, à qui appartient la terre ?» Et tout ce qui est dessus, si vous savez. Et ils diront à Allah. Alors, ne vous souvenez-vous donc pas. Donc, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il leur demande des questions à propos de Ar-Rububiyya, parce qu'il sait que ces gens-là ont affirmé Tawhid Ar-Rububiyya. La majorité des êtres humains sur la terre, ils ont affirmé Tawhid Ar-Rububiyya. Ils savent qu'il y a un créateur, qu'il y a un être suprême. Et même un athée aujourd'hui, vous pouvez parler avec lui, vous pouvez discuter, et vous allez voir qu'il dit, oui, je crois qu'il y a une force, je crois qu'il y a un être suprême et tout, mais quand ça rentre dans les autres aspects de Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya et tout, là, ils se désistent et ils refusent d'admettre que c'est Allah qu'ils doivent adorer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, il utilise les arguments de Ar-Rububiyya pour rappeler à Al-Uluhiyya. Hein? C'est comme dans ce verset ici. À qui appartient la terre et tout ce qui est dessus? Si vous savez. Et ils diront à Allah. Donc, est-ce qu'ils vont pas se souvenir? C'est une contradiction là. Le fait qu'ils disent que tout appartient à Allah, puis par la suite ils vont adorer d'autres que lui. Et ils demandent à autres que lui. Hein? C'est une contradiction. Tu dis, le monde en entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis après tu vas demander à quelqu'un qui ne possède rien de te donner quelque chose. Pourquoi tu ne vas pas demander directement à celui qui possède tout? Et ça, c'est un argument que j'utilisais souvent quand on discutait avec des chrétiens, même avant l'islam. Avant que je me convertisse à l'islam, je parlais avec des chrétiens parfois et je leur disais, est-ce que Jésus et Marie et les autres ont un contrôle, quoi que si Dieu refuse de quelque chose, est-ce qu'eux peuvent faire le contraire? Et ils disaient non, c'est Dieu qui a le contrôle suprême. Alors je disais, mais dans ce cas-là, pourquoi vous abandonnez pas ce que vous adorez et que vous accordez pas toute votre adoration à Dieu seul, hein? Donc ça, c'est des arguments très puissants qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne au sujet du tawhid ici. Et en comprenant comme il faut le tawhid, et en l'acceptant comme il faut, et en le comprenant comme il faut, et en l'étudiant en détail, vous serez capable de convaincre n'importe qui, que ce soit un mushrik, que ce soit un idolâtre bouddhiste ou hindou, ou que ce soit un chrétien ou un juif, ou n'importe qui parmi les êtres humains. Ça, c'est la base qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que malheureusement beaucoup de musulmans qui vivent dans les pays de Kuffar aujourd'hui, ils sont pas capables de faire le da'wah à l'islam, malheureusement, parce qu'ils connaissent pas bien comme il faut le tawhid. Et ils se concentrent sur des points secondaires pour essayer de les appeler à l'islam, sans se concentrer sur la base, parce qu'ils pensent que la base, c'est pas compliqué pour eux, comme on va expliquer plus tard. Ils pensent qu'ils ont compris la base alors qu'ils l'ont pas compris du tout. Et après, le verset continue et il dit, قل, hein, dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du grand trône? Et ils diront, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, où il appartient, tout ça appartient à Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل, أفلا تتقون, Allah dit, dis au Muhammad, ne le craignez-vous donc pas, ou ne craignez-vous donc pas, hein? Comment vous pouvez affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le maître des sept cieux et le maître du trône, puis par la suite vous vous détournez et vous adorez autre que lui? Donc ça c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala donne dans ce verset-là. Dans un autre verset, il dit قل وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, dit au Muhammad à ces gens-là, aux mushrikin, qui vous donne le risque du ciel et de la terre, et qui possède l'ouïe et la vue, et qui fait sortir la vie de la mort, et qui fait sortir la mort de la vie, et qui contrôle toutes choses? Ils diront, c'est Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل فقل أفلا تتقون, alors dis-leur, ne craignez-vous donc pas, hein? Dans ce verset, il y a une preuve incroyable, yani, pour toute personne qui adore autre que Allah, contre toute personne qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qui affirme qu'il y a un créateur et un maître, et puis après, il se détourne pour adorer ou invoquer autre que lui, hein. Comme les gens d'aujourd'hui, yani, ils disent, oui, mais, yani, on adore les awliya, on demande aux awliya, on cherche l'intercession, mais, yani, on croit que c'est Allah seul qui a le contrôle de toutes choses. Et ça, c'est une contradiction. C'est la même chose que les mouchriquins faisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils disaient, yani, qu'ils adoraient uniquement les idoles pour se rapprocher. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Hein? On les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il dit, wa hakadha kullu ayatin fiha dhikrun. ذكر خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات فإن هذا في توحيد الربوبية وكل آية فيها ذكر العبادة بأن تتحدث عن الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك فإن هذا في توحيد الألوهية وكل آية تتحدث عن أسماء الله وصفاته فإن هذا في توحيد الأسماء والصفات وكل هذه الأنواع في كتاب الله في كتاب الله تعالى. Donc le cheikh il dit, tous les versets qui parlent de la création des cieux et de la terre et qui parlent de la création des créatures, alors tous ces versets là ont rapport avec le tawhid de la souveraineté. Et tous les versets qui parlent de l'adoration et qui parlent de l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et l'interdiction de commettre le shirk ou d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, alors ces versets-là ont rapport avec Tawhid al-Uluhiyya. Et tous les versets qui parlent des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est les versets qui ont rapport avec Tawhid ou l'asma ou sifat, hein. Et donc ça c'est les trois catégories dont on a parlé tout à l'heure. Et puis le cheikh il dit, ولذلك قال العلماء التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ما جاءوا بهذا من عندهم وإنما استقرأوه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسيأتي زيادة بيان إن شاء الله. نعم. Donc le cheikh il dit que ça c'est les trois catégories de tawhid. Et le cheikh il va mentionner plus tard des détails là-dessus, hein, des détails là-dessus. Et le cheikh il dit que les ulama ils sont pas venus avec cette division-là de leur propre tête, c'est pas eux-mêmes qui l'ont inventé, mais c'est des choses qui sont établies en lisant le Coran lui-même. Et donc, on continue. Le cheikh il dit par la suite, التوحيد عند المتكلمين. Maintenant, il va expliquer une forme de division du tawhid qui a été établie par les gens de Bid'a. Okay? Les gens de Bid'a, ils ont eux aussi essayé d'expliquer le tawhid à leur façon. Sauf qu'ils ne se sont pas basés sur le Coran et la Sunna pour l'établir. Et vous allez voir un peu à quoi ressemble leur tawhid. D'accord, le cheikh dit هناك من يقول التوحيد نوع واحد فقط وهو توحيد الربوبيه وهو الاعتراف بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الى اخر ما جاء من افعال الله وصفاته جل وعلا وعلى هذا جميع علماء الكلام والنظار الذين بنوا عقيدتهم على علم الكلام وعقائدهم موجودة وإذا قرأت في كتبهم لا تجد فيها إلا إثبات توحيد الربوبية فمن اعترف به عندهم فهو الموحد وليس عندهم توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات ولذلك لا يعدون عبادة القبور ودعاء الأموات شركا وإنما يقول أمثالهم أو أماثلهم هذا توجه لغير الله وهو خطأ ولا يقولون هذا الشرك. Donc le cheikh il dit que yani il parle d'ahlul kalam, et je ne sais pas si vous connaissez la définition du mot ahlul kalam. Ahlul kalam, ce sont des gens qui ont essayé de réfuter des philosophes, d'accord, des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui prétendent se baser sur la raison. Alors ces gens-là, parmi les musulmans, qui ont essayé de réfuter ces philosophes-là, au lieu d'essayer de les réfuter en se basant sur le Coran et la Sunna, ils ont dit, on doit les réfuter en se basant sur la raison nous aussi. Et ils ont donc mis le Coran et la Sunna de côté, et ils ont essayé avec des analogies et par des raisonnements rationnels de compétitionner avec les philosophes. Et ils se basent sur certains fondements qu'ils ont établis et qu'ils ont emprunté eux-mêmes de certaines philosophies étrangères à l'islam pour essayer de prouver l'unicité d'Allah, pour essayer de prouver des choses qui ont rapport avec Al-Ghaib et des choses de ce genre. Et parmi les gens de Ilm al-Kalam, on retrouve par exemple Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila والأشاعرة والماتريدية. Ça c'est des noms de certaines sectes et de certains groupes qui ont utilisé علم الكلام pour essayer de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que pour ces gens-là, le tawhid a uniquement une seule catégorie, hein? Et c'est pour eux le tawhid, c'est tawhid al-rububiyya seulement, c'est-à-dire le tawhid de la souveraineté. Pour eux, c'est le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre et qui fait mourir. Donc, pour eux, ça se limite à ça. Si tu crois qu'il y a un créateur dans le monde, et que c'est lui qui a créé tout l'univers, et que c'est lui seul qui contrôle tout, ça y est, t'es un muwahhid, t'es un monothéiste. C'est-à-dire, t'as établi le tawhid, hein. Même si tu invoques autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça que le cheikh, il dit ici. Tous ceux qui, parmi les ulama du kalam, qui ont établi leur aqidah sur ilm al-kalam, leur aqidah, tu peux la trouver dans leur livre. Si tu regardes dans leur livre, tu vas voir que quand ils parlent de tawhid, ils parlent uniquement de cette catégorie de tawhid-là, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a un seul créateur. Donc pour eux, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma wa sifat, ça n'existe pas. Hein? C'est uniquement tawhid al-rububiyya. Et c'est pour ça qu'ils ne considèrent pas les gens qui adorent les tombes et qui adorent les morts comme étant une forme de shirk. Hein? Ils disent que ça c'est de se tourner vers autre que Allah et que c'est une erreur. Mais ils vont pas dire que c'est shirk. Hein? Donc ils refusent d'admettre que c'est une forme de shirk. Et le cheikh dit, وبعضهم يقول إن هؤلاء الذين يدعون الأموات ويستغيثون بالمقبورين ليسوا بمشركين، لأنهم لا يعتقدون أن هؤلاء الأموات أو هذه المعبودات تخلق وترزق وتدبر مع الله، فما داموا لم يعتقدوا ذلك فإنهم ليسوا مشركين، ولا يعد علمهم أو عملهم هذا شركا، وهم إنما اتخذوا هذه الأشياء وسائل ووسائط بينهم وبين الله ويعني وشفعاء يعني. Donc c'est ça que le cheikh il explique. Il dit certains parmi eux, ils disent que yani, ceux qui adorent les morts et qui cherchent le secours en ceux qui ont été enterrés, ils disent ceux-là sont pas des mouchriquines, car ils ne croient pas que ces morts-là ou ces choses qu'ils adorent ont le pouvoir de créer et de donner le risque et de contrôler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, ces gens de bid'a, ils disent que tant que ils croient, yani, tant qu'ils ne croient pas que ces gens-là ont le pouvoir de créer et de contrôler les choses, alors ils ne sont pas des mouchriquins. Et on ne peut pas considérer leur action comme étant du shirk. Et ils disent aussi qu'ils ne prennent seulement, ils prennent uniquement ces choses-là comme étant des moyens ou des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous pouvez voir, c'est exactement l'excuse ou le prétexte des mushrikins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent autre que Allah et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire et ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs, hein, en dehors d'Allah. Donc yani, ça c'est une forme de shirk, yani, et c'est la même exemple que les mushrikins faisaient, c'est ça que le cheikh dit. هذه مقالتهم كما قال المشركون من قبل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول علماء الكلام إن عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بهم ليس بشرك، وإنما هي توسل وطلب للشفاعة واتخاذ وسائط إلى الله، ولا يكون شركا إلا إذا اعتقدوا أن هذه الأشياء تخلق وترزق وتدبر مع الله عز وجل، وهذا يصرحون به في كتبهم وفي كلامهم. Donc le cheikh il dit maintenant que ces gens de kalam, parmi les ulama du kalam, ils disent que l'adoration des tombes et de s'accrocher aux morts et de s'attacher aux morts et de chercher le secours en eux, ce n'est pas du shirk, c'est uniquement une forme de tawassul et de demande d'intercession et de prendre des intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas du shirk. Uniquement, c'est seulement du shirk s'ils croient que ces choses-là peuvent créer ou peuvent donner du risque ou peuvent contrôler les choses, et ça, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans leurs livres et dans leurs paroles. Hein? Et ça, c'est par exemple quand il dit ici que ibadatul qubur c'est pas du shirk et que c'est seulement du tawassul ou l'istighatha, c'est seulement du tawassul ou de chercher l'intercession, et bien ça en réalité c'est exactement le shirk des mushrikins. Et le tawassul, c'est un mot que ces gens-là utilisent pour essayer de faire une shubha pour les mu'minines. Hein? Donc, lorsque tu leur viens et tu leur parles et tu leur dis qu'est-ce que vous faites, c'est shirk et que vous ne devez pas le faire, alors ils te sortent ce mot-là qui est tawassul. Alors la personne qui n'a pas de connaissance, elle entend ça et puis elle commence à penser que ces gens-là ont peut-être un argument, hein, et qu'il y a peut-être une forme de shirk qui est valable. Alors, yani, alors qu'en réalité, at-tawassul, la réelle signification du tawassul, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que ces gens-là font. D'accord? Il y a, on peut résumer les formes de tawassul, comme le Cheikh Al-Albani, il l'a expliqué dans son livre, en trois catégories qui sont permises. At-tawassul ila Allah bismin min asma'ihi al-husna ou sifatin min sifati. Hein? Que tu fais le tawassul, c'est at-tawassul en arabe, ça veut dire de chercher un moyen pour arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça dans plusieurs versets dans le Coran. Nabtaghu ilayhi al-wasila, et des choses de ce genre, il y a chercher un moyen pour aller vers Allah. Et parmi ces moyens qui sont permis, c'est par exemple de chercher un moyen en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Ça, c'est la première partie ou la première forme de tawassul qui est permis. Hein? Comme par exemple, tu dis Allahumma inni as'aluka bi annaka ar-Rahman ar-Rahim. Al-Latif al-Khabir, hein, tu dis, oh Allah, je te demande, car c'est toi le miséricordieux, le tout miséricordieux. Al-Latif, le doux, Al-Khabir, celui qui a connaissance de tout, qui est informé de tout. Donc, Antu'afini, hein, de me guérir, etc. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Ça, on retrouve beaucoup d'exemples de ça dans le Coran. Il y a également, At-Tawassul bi'amalin salih. Hein, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais at-tawassul, tu demandes à Allah de t'aider ou de te guérir en mentionnant un acte que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou par ta foi ou par ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu dis Allahumma inni as'aluka bi hubbi li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa bi imani bihi, hein, je te demande par ma foi en ton prophète, je te demande par ma foi en lui, et je te demande par exemple par mes bonnes actions, comme les gens qui ont été enfermés dans la caverne. Il y a trois hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois hommes qui étaient enfermés dans une caverne, et chacun d'entre eux ont mentionné une bonne action qu'ils avaient faite, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a enlevé le rocher qui bloquait l'entrée de la roche de la caverne à la fin. Donc c'est pour dire que on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par une de nos bonnes œuvres ou par une de nos actions et par notre foi en l'islam ou en Allah subhanahu wa ta'ala, des choses de ce genre, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Et il y a également une troisième forme de tawassul qui est de faire le tawassul par le dua d'un homme pieux. Hein, tu vas voir quelqu'un que tu connais, que tu considères, que tu crois comme étant un bon musulman, et tu lui demandes de faire un dua pour toi. D'accord? Et, bien entendu, il y a des conditions. Il faut que cet homme-là soit présent. Hein, il faut qu'il soit vivant. Tu peux pas demander à un mort de faire un dua pour toi, parce que, premièrement, il est mort, donc il peut pas te répondre. Et, Yanni, tu peux pas demander également à quelqu'un qui est absent. Il faut que tu sois capable de le contacter puis de lui faire savoir physiquement que tu, ou par la parole, que, mais par téléphone par exemple. Aujourd'hui tu peux communiquer quelqu'un par téléphone, peu importe s'il est loin ou proche, mais tu peux pas faire comme par exemple à Soufia ou des gens de Bid'a qui demandent à des gens qui sont enterrés, hein, de faire des doigts pour eux. Hein, et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle shirk. C'est pas du tout du tawassul. Mais eux, ils mélangent entre les deux. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font également, comme quand ils cherchent le secours en autre que Allah, ils disent, Ya Abdul Qadir, hein, arithni. Ya Tijani, arithni. Ya Naqshbandi. Ya Rifa'i. Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, arithni. Tout ça, c'est des formes de shirk. Parce que tu invoques autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils essaient également d'utiliser une autre shubha, et ils disent, par exemple, ça c'est pas un dua, c'est juste un nida, c'est juste un appel, c'est pas un dua, c'est un appel. Et en réalité, si tu lis dans le Coran, il y a beaucoup de versets Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot nida comme un synonyme du mot dua. Il y a beaucoup de versets. Wa nadana, dans les prophètes, lorsque Allah mentionne par exemple dans Surah Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple wa iznadana, lorsqu'il nous a appelés, et des choses de ce genre, dans le même sens que le mot dua. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ces formes de shubuhat. D'accord? Donc c'est permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes actions, ou par ses noms et ses attributs, ou par le dua d'un de ses serviteurs. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il faisait par exemple à l'istisqa. Les sahaba ils venaient le jumu'ah et ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient tawassul, et ils arrivaient, ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient: Ya Rasulullah, il y a la sécheresse, il n'y a plus d'eau, etc. Les champs sont asséchés, donc fais un dua pour nous. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un dua. Et il faisait l'istisqa, il demandait la pluie. Par la suite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils n'allaient pas à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander la pluie. Ils demandaient par exemple à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith dans lequel Omar ibn Khattab a appelé l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abbas, et il lui a dit: Oh Abbas, lève-toi et fais un dua pour nous. Il a dit avant: Oh Allah, avant on te demandait par le dua de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un dua pour nous pour avoir la pluie. Mais maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, on te demande par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il disait: lève-toi oh Abbas et fais un dua. Donc ça montre que le tawassul qui existe dans l'islam, qui existe dans la sunna, c'est pas de dire: oh Allah, je te demande par ton prophète, ou oh Allah, je te demande par les saints ou par les pieux serviteurs, mais c'est plutôt de demander à ces gens-là qui sont vivants de faire un dua pour nous. Des gens de qui on a l'espoir que Allah va accepter leur dua à cause de leur piété, selon qu'est-ce qu'on voit d'apparence, parce que la réalité du cœur, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît. Donc il y a ça, il faut faire très attention à ces choses-là. Vous pouvez vous référer au livre de Cheikh Al-Albani, At-Tawassul, et il a été traduit par notre frère Karim Zantisi en français, donc vous pouvez peut-être retourner à sa traduction également, Inch'Allah. Pardon. Ensuite, où est-ce qu'on était? Cheikh Elzi. والذي ينكر من أهل الكلام على من يقع في هذا الأمر يقول: هذا من باب الخطأ، وهؤلاء جهال وقعوا في هذا الجهل لا عن قصد بل لجهلهم، ولكن الأكثر لا ينكرون عليهم بل يقولون: هذا اتخاذ وسائط وشفعاء عند الله وليس شركا، وأنا لم أتقول على القوم شيئا لم يقولوه، بل هذا موجود في كتبهم التي ردوا بها على أهل التوحيد ودافعوا بها عن أهل الشرك. Donc le Cheikh dit: et celui parmi les gens du kalam qui rejette ou qui dénonce ces choses-là, ils ne disent pas que cette chose-là c'est du shirk, mais ils disent: ça c'est une erreur, et ça c'est fait par les juhal. Ils sont tombés là-dedans par ignorance, à cause de leur ignorance. Mais la plupart d'entre eux, ils ne le dénoncent pas. Ils disent pas ça c'est du shirk. Ils disent c'est juste de prendre des intermédiaires et des intercesseurs. Et le cheikh il dit que moi j'invente pas ça à leur sujet. J'invente pas des choses qu'ils n'ont pas dit. C'est pas des choses que j'invente à leur sujet. C'est des choses qui sont présentes dans leurs livres. Et lorsque ces gens-là ont essayé d'écrire des réfutations, pour réfuter le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et les shuyukh qui ont suivi la da'wa salafiyya, qui ont appelé au tawhid, quand ces gens-là ont essayé de les réfuter, ils ont en même temps mentionné ces choses-là dans leurs livres. Et c'est comme ça qu'on sait que ces gens-là défendent le shirk et qu'ils s'opposent aux gens du tawhid. Et le shirk, il dit par la suite, « Amma al-asma'u wa-sifat fa-ithbatuha indahum yaqtadi al-tashbih fa-nafauha anillahi azza wa jal fa-haulai humul jahmiya wal-mu'tazila wal-asha'ira wal-maturidiyya كلهم نفوا توحيد الأسماء والصفات تنزيها لله بزعمهم عن مشابهة المخلوقين فصار التوحيد منحصرا عندهم في توحيد الربوبية فقط وليس عندهم توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات. الشيخ الزين en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien pour eux de dire qu'on les affirme, ça implique le fait de faire ressembler Allah à sa création. Donc eux, quand ils voient que quelqu'un affirme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou uniquement les attributs, hein, alors eux, ils disent, ah, vous avez fait le tashbih, vous avez fait ressembler Allah à sa création. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour régler ce problème-là? Ils les nient, hein, ou bien ils les déforment de leur sens réel et leur donnent une signification qui est en dehors de son contexte. Alors, en faisant ça, yani, ils éliminent complètement la question de Asma wa Sifat, hein. Et parmi les gens qui ont fait ça, on compte Al-Jahmiya. Et Al-Jahmiya, c'est les gens qui ont suivi Al-Jahm ibn Safwan. Et lui, Jahm ibn Safwan, eh ben, il niait tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier. Et il disait qu'on doit uniquement croire en le fait que Dieu existe. Et en dehors de ça, on ne doit rien lui attribuer de nom ou d'attribut. Et ensuite, il y a Al-Mu'tazila. Et Al-Mu'tazila, c'est une autre secte qui a été établie par Wasil ibn Atta. Et eux, ils disent qu'ils affirment les noms d'Allah, hein, mais que ce sont des noms qui n'ont pas de signification. Et ils disent qu'il faut nier tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et il y a également Al-Asha'ira. Et Al-Asha'ira, c'est un groupe qui a été fondé par Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et ces gens-là, yani, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de réfuter les Mu'tazila, mais par une bid'a. Donc ils ont accepté certains attributs. Parmi ces attributs-là, ils ont accepté 7. Hein, et quelques autres parmi des règles qu'ils ont établies, hein, selon leurs principes de philosophie de ilm al-kalam, et le reste des attributs, ils les nient et ils les interprètent d'une autre façon pour essayer de nier leur sens réel. Donc ça, c'est un exemple de ces gens-là. Et il y a un groupe qui est à peu près pareil, qu'on retrouve surtout chez les gens du Pakistan, de l'Inde et de ces régions-là, qui sont parmi les Ahnaf. Et ce sont ceux qu'on appelle Al-Maturidiyya. Ok? Et, yani, Al-Asha'ira, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il a vécu dans sa vie, une partie de sa vie, pendant 40 ans, il a été Mu'tazili. Il était dans la secte des Mu'tazila. Et le mari de sa mère, eh ben, c'était un des chefs des Mu'tazila à son époque, hein, Al-Jaba'i. Et donc, il est resté 40 ans sur cette voie. Puis, après ça, il a quitté les Mu'tazila, hein, mais il a adopté une voie intermédiaire qui se base sur ilm al-kalam. Il essaie de réfuter les Mu'tazila, mais en se basant sur la raison, pas sur le Coran et la Sunna, contrairement à Ahlul Sunna wal-Jama'a, Ahlul Hadith. Hein? Parce que Ahlul Hadith, eux, ils ont réfuté les Jahmiya et les Mu'tazila en se basant uniquement sur le Coran et sur la Sunna. Tandis que eux, ils essaient de se baser sur la raison et sur ilm al-kalam. Donc, ils essaient de combattre une bid'a par une bid'a. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'erreur. Et également parce qu'ils avaient une petite connaissance. Ils n'avaient pas une grande connaissance de la croyance des salafs. Et puis, par la suite, on dit que Abu al-Hassan al-Ash'ari s'est repenti de cette voie intermédiaire qui était la voie de Muhammad al-Kullab, hein, et il est revenu à la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibana fi Usul al-Diyana, Hein, et dans ce livre-là, il a clarifié qu'il revenait à la croyance de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, à la fin de sa vie, il a fait tawbah. Il est revenu à la vraie croyance. Mais sauf que les gens qui le suivent aujourd'hui, ils suivent pas sa dernière voie, celle qu'il a acceptée à la fin de sa vie. Ils suivent encore sa voie intermédiaire, celle qui, lorsqu'il était entre les Mu'tazila et Ahlus Sunnah, quand il était parmi les gens de Kalam qui suivent Muhammad ibn Kullab. Hein? Donc c'est pour ça que on dit qu'aujourd'hui les gens de Asha'ira, hein, ils sont des Mubtadi'a dans cette voie-là qu'ils suivent au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les exemples, ils rejettent par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé au-delà de son trône. Hein? Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Si vous voulez savoir qui est un Ash'ari, vous lui demandez seulement la question où est Allah. Et là, vous allez voir sa réaction, il va se mettre en colère, il va s'énerver, il va dire comment tu peux me poser cette question-là, ça c'est interdit de poser cette question-là à propos d'Allah. Alors vous pouvez lui dire comment ça pourrait être interdit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a posé cette question à son époque, hein, lorsqu'il a demandé à l'esclave où est Allah, et l'esclave a répondu fis sama, dans le ciel. Et lorsqu'on dit fis sama, as-sama, ça implique tout ce qui est au-dessus, hein, al-ulu, les hauteurs, qu'est-ce qui est au-dessus de nous, hein. Donc c'est ça que l'esclave a répondu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit i'tiqha fa innaha mu'mina. Il a dit libère-la car c'est une croyante, hein. Et ce hadith, il est authentique, rapporté dans Sahih Muslim. Et ça, ça casse le dos de ces gens de bid'ah, yani. Et lorsqu'ils entendent ça, yani, ils essaient de trouver un moyen pour essayer de le rejeter, mais ils sont pas capables, yani. Et il y a beaucoup d'autres preuves de ça dans le Coran, yani. Et le mot istiwa, eux, ils essaient d'interpréter ça pour dire, ah, mais si vous leur parlez, ils disent, ah, le mot istiwa, il a comme 15-16 différentes significations. Oui, c'est vrai que peut-être un mot peut avoir plusieurs significations. Sauf que, selon le contexte, on peut clarifier sa signification, hein. Ala, quand il est utilisé avec ala, et quand il est utilisé tout seul, ça change son contexte et ça change sa signification. Et quand on l'utilise istiwa avec Allah, ça signifie uniquement, comme les salafs ont dit, Allah wa rtafa'a, hein? Comme si vous regardez dans Kitab al-Tawhid de l'imam al-Bukhari, dans le chapitre al-Tawhid, et vous voyez qu'il y a une section où il y a un chapitre qui dit wa kana arshuhu 'ala al-ma, et là il mentionne les paroles de Mujahid et Ibn Abbas qui ont dit que istiwa, ça signifie ala wartafa'a, ça veut dire qu'il s'est élevé, hein? Et eux, ils inventent un mensonge à notre sujet en disant que nous on dit que Allah s'est assis sur le trône, hein, jalasa, alors que aucun des salafs n'a jamais utilisé ce mot là aucun d'entre nous on dit ça, hein? Aucun d'entre nous on a dit utiliser le mot ou le verbe s'asseoir. On dit que ça veut dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône. D'accord? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui soutient tout l'univers. C'est pas, il n'y a rien qui le soutient. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de sa création, au-dessus de toute chose. Et ça, c'est ce qu'on affirme. Mais eux, le fait d'affirmer ces choses-là, pour eux, ça implique de dire que Allah ressemble à sa création. Et nous, on leur dit non, pas du tout. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est celui qui entend et qui voit tout. Hein? Donc, il y a la réfutation claire de ces gens-là. Mais eux, ils ont nié ces attributs-là et ils disent non, ça veut dire prendre le pouvoir du trône. Et ils n'ont aucune référence, ni du Coran, ni de la Sunna, et aucune référence linguistique de la part des salafs pour affirmer ce ta'wil ou cette fausse interprétation qui mérite plus d'être appelée tahrif que ta'wil. C'est-à-dire, c'est pas un ta'wil, une interprétation correcte qui a une référence avec le Coran et la Sunna et les paroles des salafs et les savants de la langue. C'est uniquement une déformation claire du sens du mot. D'accord? Et donc, pour eux, à cause, étant donné qu'ils ont nié les attributs, eh ben, ça reste, ça, il reste dans le tawhid, pour eux, uniquement la partie qui explique tawhid al-rububiyya. C'est pour ça que beaucoup de livres que vous lisez, par exemple, pour, surtout en français, des livres qui expliquent l'islam pour les nouveaux convertis ou pour les nouveaux musulmans, vous allez voir que lorsqu'ils parlent de la foi en Allah, ils parlent uniquement de tawhid al-rububiyya, parce que la plupart de ces gens-là, quand ils expliquent le tawhid, ils ont uniquement compris tawhid al-rububiyya, comme les gens de Ilm al-Kalam. Ils n'ont pas expliqué rien d'autre qui a rapport en dehors de ça. Et c'est pour ça, Yanni, le danger de ces choses-là. Et le cheikh dit, وَيُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يُقَسِّمُ التَّوْحِيدِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ حَتَّى إِنَّ كَاتِبًا عَصْرِيًا مِنْهُمْ يَقُولُ تَقْسِيمُ التَّوْحِيدِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ هُوَ مِنْ التَّثْلِيفِ بَلَغَتِ الْوَقَاحَةُ بِهِ إِلَى أَنْ يُشَبِّهَهُ بِدِينِ النَّصَارَى وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc le cheikh dit qu'il y a parmi les gens de Bid'a aujourd'hui qui nient cette séparation, cette division-là du tawhid en trois catégories. À un point tel que certains parmi les contemporains aujourd'hui, hein, un muqtadi' de notre époque, a dit que de diviser le tawhid en trois catégories de cette façon-là, c'est comme la trinité des chrétiens. Donc il a essayé de faire ressembler le tawhid à la trinité des chrétiens, wa al-iyadu billah. Hein? Ça montre l'égarement de ces gens-là. Ok? Et puis, il y a un livre du cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad qui s'appelle Al-Qawl al-Sadid fi al-Raddi ala man ankara taqsim al-Tawhid, c'est-à-dire la parole droite sur celui qui a nié la division du Tawhid. Donc, dans ce livre-là, le cheikh, en fait, c'est le cheikh Al-Fawzan également qui a écrit l'introduction de ce livre-là, qui a écrit une petite introduction. Dans ce livre, le cheikh Abdul Razzaq, il a réfuté cet auteur, et je crois que c'est As-Saqqaf, s'appelle. Donc, il l'a réfuté d'une façon claire. Hein, et parmi les exemples de paroles qu'il a dit à As-Saqqaf, non seulement il a dit que c'est comme la trinité des chrétiens, mais également il a essayé de prétendre que cette division-là c'était uniquement inventée par Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Alors que le cheikh Abdul Razzaq, il a ramené des paroles des imams, des salafs, qui vivaient des siècles et des siècles avant l'imam Ibn Taymiyyah, et il a montré que eux également avaient divisé le tawhid en trois catégories, eux aussi. Et le cheikh, par exemple, il a mentionné, juste pour vous donner un exemple, il a mentionné les paroles de l'imam Abu Abdillah, Ubaydillah ibn Muhammad ibn Batta al-Akbari, al-Mutawaffa, celui qui est mort en 387. Dans son livre Al-Ibana an Shari'at al-Firqat al-Najiya wa Mujanabat al-Firqat al-Mazmuma aw al-Firq al-Mazmuma, il dit: "Wa dhalika anna asl al-iman billahi alladhi yajibu 'ala al-khalqi i'tiqaduhu fi ithbat al-iman bihi thalathatu ashya'. Ahaduha an ya'taqid al-'abd ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذي لا يثبتون صانعا، والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. D'accord. Donc, il dit dans son livre Al-Ibana, le Cheikh Ibn Battah Al-Akbari, qui est mort en 387, et ça c'est bien longtemps avant l'imam Ibn Taymiyyah, il dit que, sache que la base de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est obligatoire pour le serviteur de l'affirmer, ces trois choses. Premièrement, qu'il croit que Allah subhanahu wa ta'ala, en sa rabbaniyatu, c'est-à-dire qu'il est Ar-Rab. Et quand tu as affirmé cela, eh bien, tu t'es dissocié déjà du ta'til, qui nie le Créateur. Hein? Donc, c'est comme s'il montre que, at-tawhid al-rububiyyah, quand tu l'as affirmé, tu t'es séparé ou tu t'es dissocié des gens qui nient qu'il y a un Créateur dans le monde. Ça, c'est le premier tawhid. At-thani, hein, que tu crois en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu te dissocies des gens du shirk. C'est-à-dire ceux qui ont affirmé qu'il y a un Créateur, mais qui ont quand même associé autre qu'avec lui dans l'adoration. Et le troisième, c'est que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala possède tous les attributs qu'il sait posséder lui-même et qui sont obligatoires pour lui. Hein? Et il a mentionné par exemple la connaissance, la puissance, la sagesse et tout ce que Allah s'est attribué à lui-même dans son livre. Donc ça c'est un exemple, un seul exemple que je vous mentionne parmi les paroles de l'imam Ibn Battah. Et pourtant dans le livre du cheikh Abdurrazzaq, il y en a beaucoup d'autres exemples de ce genre, d'accord, qui montrent des paroles des salafs qui ont affirmé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc le cheikh il dit al-khata'u fi taqsim at-tawhid, les erreurs dans la division du tawhid. Il dit le cheikh, ومن المعاصرين من يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام فيقول التوحيد أربعة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية. ويستند في ذلك أو في هذا إلى أن التقسيم اصطلاحي وليس توقيفيا. Donc le cheikh il dit que parmi les contemporains, il y en a également qui ont essayé de diviser le tawhid en quatre catégories. Et ils ont établi, par exemple, ils ont dit que le tawhid c'est tawhid al-rububiyya, ou tawhid al-uluhiyya, ou tawhid al-asma wa sifat, et tawhid al-hakimiyya. Hein? C'est-à-dire le tawhid al-hakimiyya, et ils veulent dire par ça le tawhid du pouvoir. C'est-à-dire que Allah c'est le seul qui juge, et qu'on doit uniquement juger par sa loi, et qu'on ne doit pas juger par autre que la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le jugement appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et parmi les gens qui ont établi cette division-là, on peut compter par exemple Abdurrahman Abdul Khaliq, hein, et Salah Sawi. Et Salah Sawi, dans son livre, je crois que c'est Mathabit ou Al-Mutahayirat ou quelque chose comme ça, il dit dans ce livre-là que la division du Tawhid, c'est uniquement quelque chose de conventionnel, que les savants ont établi par convention, et c'est une forme de terminologie, donc on peut la changer comme on veut, puis la changer et rajouter des catégories comme on veut. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il continue et il dit, ولهذا ويقال لهذا ليس التقسيم اصطلاحيا وإنما يرجع في التقسيم إلى الكتاب والسنة والسلف حينما قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام استقرأوها من الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit cette division du tawhid n'est pas une convention, c'est pas une chose que les savants ont inventé de leur tête, mais c'est quelque chose par lequel ils sont retournés pour la comprendre au Coran et à la Sunna. Et les salafs, lorsqu'ils ont divisé le tawhid en trois catégories, ils l'ont tiré en lisant le Coran. Hein? Ils l'ont tiré en lisant le Coran et la Sunna. Après le cheikh il dit, أما الحاكمية فهي حق يجب أن يكون التحاكم إلى شرع الله عز وجل ولكن هذا داخل في توحيد العبادة لأنه طاعة لله عز وجل. Le cheikh il dit, en ce qui concerne al-hakimiyya, c'est vrai que al-hakimiyya c'est à Allah seul et que on doit juger par par sa loi, hein, c'est obligatoire de juger par la sharia d'Allah. Mais ça rentre dans Tawhid al-Ibad. Car c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et le cheikh il dit, والسلف ما أهمل توحيد الحاكمية حتى يأتي واحد متأخر يضيف فيضيفه بل عندهم بل هو عندهم داخل في توحيد العبادة توحيد الألوهية. Donc le cheikh il dit, et les salafs n'ont pas négligé le tawhid al-hakimiyya jusqu'à ce qu'un contemporain là vienne bien longtemps après et qui essaie de le rajouter comme étant une catégorie du tawhid. Il dit que pour eux, pour les salafs, ça rentre dans tawhid al-ibada, hein, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-hakimiyya, ça rentre en réalité dans tawhid al-uluhiyya. Et ça c'est une réfutation de ceux aujourd'hui qui essaient de dire, oh vous, les salafis, vous ne vous occupez que du shirk des kouburs, du shirk des tombes, et vous laissez tomber shirk al-qusur, comme ils disent, le shirk des palais ou des dirigeants ou des choses de ce genre. Et la raison pour laquelle ils ont ajouté cette catégorie de tawhid, hein, dans les divisions du tawhid, c'est parce qu'ils voulaient se concentrer sur ça pour se permettre de faire le takfir, hein, c'est-à-dire pour faire le takfir des dirigeants et pour faire des révoltes et des rébellions et des révolutions et pour appeler les musulmans à la révolte et des choses de ce genre. Et donc ça, c'est pour ça que lorsque ces gens-là sont apparus avec cette nouvelle bid'a de division, tout de suite les ulama ont réfuté ces gens-là. Et ils ont montré que cette chose-là, c'est une forme de bid'a. Et le cheikh il dit, لأن عبادة الله عز وجل طاعة لأن من عبادة الله طاعته بتحكيم شرعه فلا يجعل قسما مستقلا وإلا لازم من ذلك أن تجعل الصلاة قسما من أقسام التوحيد وتجعل الزكاة قسما من أقسام التوحيد والصيام قسما والحاج قسما وكل أنواع العبادة أقساما للتوحيد ويجعل التوحيد أقساما لا نهاية لها وهذا غلط بل أنواع العبادة كلها تندرج تحت قسم واحد وهو توحيد الألوهية فإنه جامع لها ومانع من دخول غيرها معها. Donc le cheikh il dit que يعني, l'adoration, parmi les formes d'adoration, on compte le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en jugeant selon sa sharia. Donc on ne peut pas établir ça comme une catégorie séparée de tawhid, parce que sinon ça impliquerait qu'on fasse une catégorie séparée de tawhid pour la salat, hein, tawhid au salat, et une autre catégorie pour la zakat, et une autre catégorie pour le jeûne, une autre pour le hajj, et on commence à faire une forme de tawhid pour chacune des formes d'adoration. Et donc ça reviendrait à dire que il y aurait des catégories infinies de tawhid, et ça c'est une erreur. Et ils disent que, en fait, toutes les formes d'adoration doivent être toutes considérées comme entrant dans la catégorie de tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid ou l'unicité d'Allah dans son adoration. فَإِنَّهُ جَامِعٌ لَهَا وَمَانِعٌ مِنْ دُخُولِ غَيْرِهَا مَعَهَا. Donc, elle réunit toutes ces formes-là d'adoration et elle empêche qu'on entre une autre dans cette catégorie-là, d'accord? Donc, le cheikh il dit également, il dit, وَمِنْهُمْ مَنْ يُزِيدُ عَلَى الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ قِسْمًا خَامِسًا وَيُسَمِّيهِ اتِّبَاعُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهَذَا غَلَطٌ فَاتِّبَاعُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَقٌّ وَلَا بُدَّ مِنْهُ ولكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم التوحيد ولذلك لا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله فمن لازم الشهادة بالتوحيد الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهذا من لوازم التوحيد وليس قسما مستقلا من أقسام التوحيد ومخالف التوحيد يقال له الشرك مشرك أو كافر ومخالف المتابعة يكون مبتدعا. Donc le cheikh il dit qu'il y a une autre, il y a des gens qui ont amené une autre catégorie parmi les catégories de tawhid, qui ont rajouté une cinquième, hein, et ils l'appellent le tawhid de yani ittiba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ça c'est une erreur, parce que de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est une obligation et c'est vrai, on doit le faire, sauf que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des implications du tawhid, min lawazim at-tawhid. Parce que lorsque quelqu'un dit ashhadu an la ilaha illallah, ça ne peut pas être accepté jusqu'à ce que la personne ait dit wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Naam. Donc ça, le cheikh il dit ça implique, lorsque tu dis ashhadu an la ilaha illallah, que tu dois témoigner également que tu crois au messager, hein, et en son message. Et ce n'est pas une catégorie divisée ou séparée par des catégories de tawhid. Et le cheikh il dit que celui qui contredit dans le tawhid, on dit de lui qu'il est mushrik ou kafir. Par contre, celui qui contredit dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il est mubtadi', qu'il est innovateur. Wa hadhihi aqwalul mukhalifina li ahli sunnati fi taqsim at-tawhid wa hum bayna mufritin ومفرط ومفرط. المفرط هو الذي زاد على أقسام التوحيد إلى ثلاثة أقسام، والمفرط هو الذي اقتصر على نوع واحد وأهمل البقية، بل أهمل الأهم الذي هو مطلوب المطلوب وهو توحيد الألوهية. Donc le cheikh il dit, voici les paroles maintenant, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, c'est en réalité les paroles des gens qui ont contredit Ahl Sunna wal Jama'a dans la division du Tawhid, et c'est entre ceux qui ont rajouté ou qui ont exagéré en faisant trop et ceux qui n'ont pas fait assez. Et il dit l'exemple de ceux qui n'ont pas fait assez, ceux qui ont exagéré, qui ont rajouté, c'est ceux qui ont rajouté des différentes catégories de Tawhid, qui en ont rajouté par-dessus les trois qui existent déjà. Hein, qui ont ajouté Al-Hakimiyya et Al-Mutaba'a. Et il y a ceux qui n'ont pas mis assez, et ce sont les gens de Kalam, comme on a expliqué tout à l'heure, et qui ont dit que le Tawhid c'est uniquement une seule catégorie, c'est-à-dire Tawhid al-Rububiyya, et qui ont négligé la partie la plus fondamentale et la plus importante du Tawhid, qui est Tawhid al-Ibada. Hein. Donc, il dit, en ce qui concerne Tawhid al-Rububiyya, أما توحيد الربوبية فجميع الأمم مقرة به لم ينكره إلا شذاذ من الخلق أنكروه تكبرا وعنادا مع اعترافهم به في قرارة أنفسهم فجميع الخلق مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ولكن ليس هذا هو التوحيد المطلوب. Donc le cheikh il dit que Tawhid al-Rububiyya, toutes les nations l'ont affirmé, et même ceux qui l'ont rejeté, ce ne sont qu'une petite minorité parmi les créatures, et ils l'ont nié, pas parce qu'ils n'y croyaient pas vraiment, mais ils l'ont renié par orgueil et par arrogance et fierté. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent et ils reconnaissent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est leur créateur et qui donne la subsistance et qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle toutes choses. Mais c'est pas suffisant pour eux de croire en ça. Il faut également qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul, hein, et qu'ils affirment Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et puis on continuera bi'iznillah vendredi prochain, inshallah. Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.